Mm. Et ça, ça sur Allah, ça ne s'emploie pas de la même façon. Faire attention. Par contre, les chebouettes, des moutadias, qui jouent avec la langue arabe pour tromper les gens. Ça, Inch'Allah, tu verras ça dans quoi? Dans Makel Koutoub, Wassatiya, Msalan, Tahawiya, Mouhal Zalika. Dans ce mot d'ars? Non. Taïeb. Faïla Wuna. والحمد لله رب العالمين